بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 19 dans l'explication du livre, le charh de Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslima. Et c'est le charh du Cheikh Ahmed Al-Najmi. On est arrivé maintenant dans l'explication du nifaq. Nifaq. النفاق العملي والنفاق القلبي. On a expliqué ces deux catégories. On a commencé à expliquer النفاق القلبي au dernier cours avec les différentes sortes. Et aujourd'hui, ou bien النفاق الاعتقادي comme on l'appelle aussi. Et aujourd'hui, donc, on va commencer avec النفاق العملي. Hein? C'est-à-dire le نفاق dans les actions et le نفاق au sujet de la croyance ou du cœur. On en a parlé au dernier cours avec les détails. Là maintenant, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le nifaq dans les actions. Et le cheikh, il dit وَأَمَّا النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ وَهُوَ عَمَلُ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُنَافِقِينَ مَعْ بَقَاءِ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة أو خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم أو إذا خاصم فجر. نعم. وذكر وقد ذكر في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فالنفاق العملي لا يخرج من الإسلام بل صاحبه مسلم فاسق. Donc on va s'arrêter ici, on va juste traduire cette partie-là, on va continuer ensuite. Cheikh, il explique que le nifaq dans les actions, ça veut dire que la personne, elle fait des actions parmi les actions des munafiqines, tout en gardant sa foi en même temps dans son cœur. Et donc, à ce moment-là, la personne, elle n'a pas quitté l'islam, elle n'est pas sortie de l'islam. Mais c'est quelque chose qui pourrait être une cause pour l'amener à sortir de l'islam. C'est pour ça que les ulama, ils disent, yani, Al-ma'siyatu baridul kufri. C'est-à-dire que les péchés qu'on fait, c'est le messager de la mécréance. En voulant dire que quelqu'un, en faisant beaucoup de péchés, s'il continue à en faire beaucoup de plus en plus, ça pourrait, à la longue, l'amener peut-être à tomber dans le kufr aussi. Donc c'est ça le danger des péchés. Et donc, le cheikh, il explique ici que le fait de faire des actions qui font partie des actions des munafiqines tout en ayant la foi, ça fait partie du nifaq dans les actions. Hein? C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu agis comme un kafir. Tu dis par exemple ça, qu'est-ce que tu fais, ça c'est la même chose que qu'est-ce que font les kuffars. Ça ne veut pas dire que la personne elle est kafir, mais son action, ça ressemble aux actions des kuffars. Ou quand tu dis à quelqu'un, ça c'est les vêtements des kuffars, hein? Ou ça c'est l'habit des kuffars, ou ça c'est la façon de parler des kuffars, ou ça c'est la façon de la mode des kuffars, ça ne veut pas dire que la personne elle est kafir. Donc, des fois, il faut faire la distinction aussi entre une caractéristique qui fait partie des caractéristiques des kuffars et le fait d'être kafir. C'est deux choses différentes. Hein? C'est comme, par exemple, si Tu vois, par exemple, une femme qui s'habille avec une mini-jupe, puis elle est musulmane. Tu vas dire, ça, c'est les vêtements des koufars. Ça ne veut pas dire qu'elle est kafira. D'accord? C'est un exemple. Et donc, le nifaq, c'est la même chose. Je dis, ça, c'est l'attitude des munafiqines. Ou ça, c'est la façon de parler des munafiqines. Donc, c'est un nifaq amali. Ça ne fait pas sortir de la religion. Et ce n'est pas comme un nifaq i'tiqadi dans la croyance. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit, la personne qui fait ça, hein, ou qui fait ce genre d'action des hypocrites, elle a en même temps en elle-même de la foi et de l'hypocrisie. Hein? Elle a de la foi et elle a du nifaq en même temps. Et il dit que si ça devient trop, ou ça augmente beaucoup, eh bien, la personne peut devenir, à cause de ça, un pur munafiq. Elle peut devenir un pur munafiq. La preuve, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rapporté selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma. Il dit, « Arba'un man kunna fihi, kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. » Ça peut être khasla, ça peut être khisla aussi. Allahu a'lam. Donc ici le cheikh explique que il y a dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a quatre caractéristiques. Si quelqu'un les possède, il va être un pur munafiq. Ça dit ces quatre caractéristiques là réunies ensemble. Et il dit, tandis que s'il en a une parmi ces caractéristiques là, s'il en a une d'entre elles, alors il aura une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la cesse, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Et il énumère ensuite les quatre. Il dit, premièrement, « Iza tumina khan ». Tumina, « mabni lil majhul »« min fi'l i'tamana »« ya'taminu »« tumina »« yu'tamanu » Donc ça veut dire, ça vient de « al-amana ». Ça vient de Al-Amana. Al-Amana, c'est quelque chose qu'on t'a confié. Quelque chose, quand on te confie quelque chose, on te donne une amana. On te donne une amana, ça veut dire qu'on te confie un dépôt. On te confie un dépôt, on te confie un objet ou une chose pour que tu le préserves, pour que tu le gardes pour quelqu'un. Hein, ou pour que tu le rendes à quelqu'un, ou que tu le donnes à quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle une amana. OK? Donc, إِذَا تُمِنَا خَانَا. C'est-à-dire, lorsqu'on a donné à cette personne-là un dépôt, on lui a fait confiance, hein, on lui a confié quelque chose, hein, même dans le mot confier, il y a le mot confiance dedans. Hein. Donc, quand on t'a confié quelque chose, tu as trahi. Tu as trahi la confiance qu'on t'a donnée. D'accord? Donc, ça c'est une des caractéristiques de l'hypocrite. « Iza tumina khan » Il a trahi. La deuxième, « Wa iza haddatha kadhaba » Iza haddatha, yani s'il parle, « kadhaba » il ment. Donc, quand il parle, il ment. Ça c'est une autre caractéristique de l'hypocrite. Il y a des gens comme ça, yani Allah al-Musta'an, pour eux, mentir, c'est comme si c'était pas grave. Hein? C'est comme on dit, il ment comme s'il buvait de l'eau. Hein? Pour eux, mentir, c'est comme si c'est normal pour eux. C'est une deuxième nature. Ça, c'est une mauvaise caractéristique. C'est une caractéristique des hypocrites. Il dit, wa idha, la troisième, wa idha ahada ghadara. Ahada. يُعَاهِدُ عَهْدًا العهد c'est l'entente, le pacte, la trêve, l'engagement que tu as pris. Ok? Donc, العهد et العهد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ hein? Respectez l'engagement que vous prenez. Donc, lorsque quelqu'un prend un engagement, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ou il signe, une trêve ou un pacte ou un engagement, il respecte, il trahit pas. Al-ghadar, c'est la trahison. Idha ahada ghadara. C'est comme si, par exemple, tu signes une entente de paix avec des gens, puis eux, le lendemain, ils t'attaquent. Tu vois? Tu signes une entente de paix avec les Juifs, le lendemain, ils t'envoient une bombe ou un missile. Ça, c'est al-radar. Ça s'appelle radar. Par exemple, tu donnes l'allégeance à un dirigeant, puis le lendemain, tu viens pour le poignarder. Ça, c'est le radar. Hein? Ou bien tu signes, tu donnes une bay'a, tu donnes l'allégeance au dirigeant, et le lendemain, tu t'en vas lui donner aux ennemis des secrets de ce dirigeant ou du gouvernement. Donc ça, c'est une forme de radar, c'est de la trahison. Ça, c'est une caractéristique des hypocrites aussi. Et la dernière, « وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » الخصم والخصومة والمخاصمة. Ça, c'est le fait de débattre ou d'argumenter, de disputer. Hein? Comme Allah Azza wa Jal, il dit بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ à propos des mushrikin, hein? Des gens qui aiment débattre, qui aiment disputer, qui aiment philosopher. Hein? Donc lorsqu'il dispute avec quelqu'un ou il argumente avec quelqu'un, fajara, il fait preuve de perversité, c'est-à-dire il rejette la vérité, hein, de façon orgueilleuse, de façon perverse. Aussi, il dit des mauvais mots, il parle mal, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est la première narration à ce sujet. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne trois caractéristiques du munafiq. Il dit « إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ » Donc quand il parle, il ment. Celle-là, on l'a déjà vue. « وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف » Ça, c'est une autre qu'on n'avait pas mentionnée, qui n'était pas mentionnée dans l'autre hadith. « إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ » Wa'ada ya'idu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire promettre quelque chose. Quand tu donnes une promesse, on dit en arabe une promesse al-wa'ad. Wa'adun. Ok? Donc al-wa'ad, c'est la promesse. Et akhlafa. Akhlafa, ça veut dire il a, c'est comme s'il a contredit sa promesse. Il a manqué à sa promesse. Il trahit sa promesse. Il contredit sa promesse. D'accord? Akhlafa yukhlifu. Et il dit ensuite wa idha tumina khan. Donc celle-là, on l'a vu tout à l'heure, si on te confie quelque chose, tu trahis la confiance de ce qu'on, ou tu respectes pas ce qu'on t'a confié, tu trahis l'engagement ou la confiance qu'on t'a donné, la chose qu'on t'a confiée. Donc ça, c'est les trois caractéristiques. Dans les trois, il y en a une qui est différente, c'est-à-dire celle qu'on n'avait pas mentionnée, c'est Idha wa'ada akhlaf. Et dans une autre narration, il dit Wa idha khasama fajar, celle-là on l'a vu. Wa idha ahada ghadar, celle-là on l'a vu aussi. Ces deux autres qui sont mentionnées dans l'autre narration. Il dit Fal nifaq ul amaliyu, donc le nifaq dans les actions, il ne fait pas sortir de l'islam. Mais il dit plutôt la personne qu'il fait, elle est toujours musulmane, sauf que c'est un pécheur. Elle est toujours musulmane, mais c'est un pécheur. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit « وَالنِّفَاقُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّفَقُ الَّذِي هُوَ الْجُحُرُ بِاعْتِبَارَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَظْهَرَ شَيْئًا وَأَخْفَى خِلَافَهُ وَيُسَمَّ النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ نِفَاقًا لِأَنَّ الَّذِي يَكْذِبُ فِي حَدِيثِهِ يزعم أن حديثه صدق وهو كذب وأنه يعد ويخلف يعني قاصدا للخلف حين وعد لأنه أظهر الوفاء وأبطل الخلف وأما الذي يعد صادقا وتحصل له ظروف تمنعه من الوفاء فهذا لا يكون منافقا. كذلك أيضا من ائتمن فخان الأمانة، وكذلك إذا خاصم فجر وهو يحلف كاذبا ويأتي بشهادة مزورة ويدعي شيئا ليس له وينكر الشيء الذي عليه. وكذلك قوله إذا عاهد غدر، من عاهد وهو يريد الوفاء بالعهد وحصل له ما يمنعه من الوفاء فهذا لا يدخل في النفاق. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر، فقد اجتمع فيه الشر، ويعني خصلت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه يعني خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر وخطير جدا، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه رضي الله عنهم أجمعين. Donc le cheikh il explique ensuite que le nifaq ça vient du mot an-nafaq. An-nafaq, c'est-à-dire yani, c'est comme un tunnel, hein, un tunnel ou un trou. Et on l'appelle comme ça, pourquoi? Parce que la personne, en fait, déjà, il y a un animal, peut-être que vous connaissez, une taupe. Vous savez qu'est-ce que c'est une taupe? Hey, hein? Yeah, ouais, elle est aveugle, la taupe. Mais il y a d'autres animaux aussi qui creusent des tunnels dans la terre. Hein? Donc ça, c'est un exemple, c'est un animal qu'on l'appelle comme ça. Parce qu'il creuse des trous et quand tu viens pour l'attraper dans un trou, lui, il sort dans un autre. Hein? Donc c'est comme ça, c'est de là que vient l'image ou l'idée même du munafiq. C'est parce que... il te montre une chose, mais il cache hein, le contraire. Et c'est pour ça que on appelle le nifaq dans les actions aussi, on l'appelle nifaq, hypocrisie. Il dit donc la personne qui te ment, par exemple, quand elle te prétend, elle prétend que qu'est-ce qu'elle dit c'est la vérité, alors que c'est un mensonge. Hein? Elle dit, on lui dit par exemple, est-ce que tu es allé à l'école aujourd'hui? Elle dit oui, je suis allée, alors qu'en réalité elle n'est pas allée. Hein? Donc ça c'est un mensonge. Ou bien si la personne elle promet quelque chose alors que elle a l'intention de ne pas respecter cette promesse, hein? Au moment où elle promet. Donc elle te fait croire que elle veut respecter sa promesse, mais elle cache en elle-même l'intention de ne pas le respecter. Il dit, tandis que la personne qui a fait une promesse et qu'elle était sincère au moment de faire cette promesse-là, mais qu'à cause de certaines situations ou certaines circonstances qui empêchent la personne de respecter sa promesse, elle ne peut pas respecter sa promesse. Ça, dans ce cas-là, on ne dit pas de la personne qu'elle est hypocrite. Parce que ce n'est pas de sa faute. Hein? Elle n'a pas eu l'intention de ne pas respecter sa promesse. Mais si la personne, au moment où elle te promet, elle a déjà l'intention qu'elle ne va pas le faire, c'est ça qui fait partie de du nifaq dans les actions ici. Également, la personne qui, à qui tu confies un dépôt et elle trahit le dépôt ou la confiance que tu lui as donnée. De même que la personne, lorsque tu disputes avec elle, elle va jurer de façon mensongère. Elle va utiliser des faux témoins. Elle va prétendre que quelque chose lui appartient alors que ça ne lui appartient pas. Ou bien elle va nier quelque chose qu'elle a comme dette, par exemple, et tu lui dis « tu me dois ça », elle va dire « non ». Hein? Ou des choses comme ça. Ça, c'est parmi les exemples de « idha khasama fajar ». Si elle a, la personne, quand elle a un conflit avec quelqu'un, elle utilise des moyens pervers pour se détourner ou détourner les droits des autres. De même que la personne qui a pris un engagement avec quelqu'un et qui trahit son engagement, il dit « toutefois, si quelqu'un avait pris un engagement de façon honnête et sincère, puis que par la suite, il y a quelque chose qui l'empêche de respecter son engagement. Dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le nifaq. Mais c'est uniquement lorsque la personne, elle prend un engagement et qu'elle le fait volontairement. Elle a volontairement l'intention de trahir cet engagement-là. Donc ça, c'est de la trahison, Yann. Hein? Et il dit, « فَمَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الْخِصَالُ الْأَرْبَعُ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرُ » Donc si quelqu'un, toutes ces quatre caractéristiques-là sont réunies chez elle, les quatre ensemble, il dit, elle a réuni le mal, hein, tout le mal, cette personne. Si elle a une de ces caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites, si elle en a juste une, alors c'est comme si elle avait une caractéristique de l'hypocrisie. Et il dit que dans une personne, parmi les gens, il peut y avoir plusieurs caractéristiques qui sont réunies en même temps, du bien et du mal. C'est-à-dire que des gens peuvent avoir des caractéristiques qui sont bonnes et d'autres caractéristiques qui sont mauvaises. Et elle peut avoir des caractéristiques de la foi et en même temps des caractéristiques de la mécréance ou de l'hypocrisie. Et donc, elle va mériter à cause de ça la récompense et le châtiment selon ce qu'elle a fait parmi les choses qui amènent soit la récompense ou le châtiment. Il dit, parmi les caractéristiques aussi des formes d'hypocrisie dans les actions, le fait d'être paresseux, de faire la prière en jama'a. De faire la prière en jama'a, ça fait partie des hypocrites. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, « وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ » C'est-à-dire, ils ne vont pas venir faire la salat excepté par paresse, avec paresse. C'est-à-dire, ils viennent, mais avec paresse. D'accord? Donc, c'est comme si ils n'ont pas... ils viennent, mais ils n'ont pas envie. Hein? C'est comme s'ils n'ont pas envie de le faire. Voilà, yunfiquna illa wa hum karihun. S'ils donnent de l'argent en sadaqa, c'est comme s'ils le font, mais à contre-cœur. Hein? Ils n'aiment pas faire le bien beaucoup. Donc, il dit, le nifaq, c'est donc quelque chose qui est mauvais et c'est très dangereux. Et les sahaba, ils avaient peur du nifaq. Ils avaient peur de tomber dans le nifaq. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que ça, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui est croyant, qui a peur du nifaq. Si quelqu'un, il n'a pas peur du nifaq, c'est le signe, c'est un mauvais signe. S'il n'a pas peur du nifaq, c'est comme s'il se sentait en sécurité vis-à-vis du nifaq. Et ça, c'est en fait un très mauvais signe d'une personne qui se sent en sécurité contre les nifaq. Ça veut dire que ça aussi, ça peut même être une forme de nifaq en soi. Et c'est pour ça que les salafs, hein, comme Ibn Abi Mulaika, il a rapporté, il dit, j'ai rencontré 30 parmi les sahaba du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Ils craignaient tous pour eux-mêmes d'être hypocrites. Regardez l'exemple, on a mentionné dans un autre dars, le hadith, dans Riyad Salihin, نافق حنظلة كحنظلة avec أبو بكر حنظلة il a dit je suis devenu hypocrite. Et Abu Bakr lui a dit, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Il a dit, parce que quand je suis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani on entend parler du paradis, de l'enfer. Il dit, c'est comme si on le voyait. Et puis après, il dit, on retourne chez nous avec nos femmes, nos enfants. Puis c'est comme si on ne se sent plus de la même façon. On ne sent pas les choses de la même façon. Alors Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit, je ressens la même chose que toi. Ça m'arrive la même chose que toi. Alors ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis lui ont dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, oui, ça c'est normal. C'est-à-dire que, s'il a dit, si vous étiez toujours dans cet état-là, dans lequel vous êtes, lorsque vous êtes avec moi, les anges vous salueraient. Mais il dit, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. Sa'atun sa'a. Mais tout ça pour dire que les sahaba, ils étaient très conscients de leur état, c'est-à-dire l'état de leur cœur. Et ils étaient très attentifs à leur spiritualité, à leur foi. Et ils se demandaient des comptes à eux-mêmes par rapport à qu'est-ce qu'ils ressentent. Et ils se mettent dans la balance. Ils se demandent des comptes à eux-mêmes. Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je fais ça? Comment ça se fait que je ressens ça ou que je ressens pas ça? Pourquoi aujourd'hui je suis paresseux pour aller à la salat? Tandis que la personne qui est inconsciente, elle se pose même pas la question. Elle va pas se dire, mais comment ça se fait aujourd'hui je me sens un peu paresseux? Ça veut dire que j'ai un problème dans ma foi. Donc, il faut que je demande pardon à Allah. Il faut que je fasse istighfar. Et là, elle va faire des adhkar. Elle va faire le dhikr. Pour revivifier sa foi, pour purifier son cœur. D'accord? Parce que tout le monde peut avoir ça. Même un croyant, il peut des fois avoir un peu de paresse, un peu de fatigue, un peu de choses comme ça. Donc, quand il ressent ça, il doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause des péchés que j'ai faits? Est-ce que c'est à cause des manquements? Est-ce que c'est à cause de ci et de ça? Donc, tu demandes pardon à Allah, tu te repens, tu fais des adhkar, tu lis le Coran, tu vas à la mosquée, tu fais des doigts, et puis tu vois que les choses commencent à redevenir meilleures. Mais c'est comme ça. Donc ça c'est très important de comprendre cet aspect là du nifaq. Le nifaq c'est dans le cœur, l'hypocrisie c'est dans le cœur. Et c'est comme on voit par exemple certains péchés qui sont des manifestations du nifaq aussi. Nifaq amali, d'accord. Mais il y a des caractéristiques aussi, des choses, des paroles que des gens disent. Eh bien, tu vois que ça vient en contradiction avec la religion. Quand des gens ils proposent des choses ou ils disent des choses. Et on a à notre époque beaucoup de gens qui ont des caractéristiques des hypocrites. Et quand tu lis les versets, tu vois. Tu vois par exemple, comme Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Et donc quand tu dis à des gens par exemple, arrêtez de faire le désordre sur la terre. Qu'est-ce que c'est le désordre? Le désordre c'est quand tu ordonnes de faire le péché, quand tu appelles à des choses qui contredisent l'islam. Ça c'est le désordre. Et quand tu leur dis arrêtez de faire ça, pourquoi vous dites qu'il faut faire ci ou qu'il ne faut pas faire ça, alors que ça c'est contraire à l'islam. Et quand tu leur dis ça, eux ils te répondent, ils disent, mais nous on veut faire le bien, on veut réformer, on veut réformer l'islam, réformer la religion. Et Allah il dit, ala innahum humul mufsidun. Alors Allah il dit, certes ce sont eux les gens qui font la corruption et le désordre, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ils ne réalisent pas. Une autre des caractéristiques parmi les munafiqin, Allah Azza wa Jal il dit والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Ils ordonnent le munkar, ils ordonnent qu'est-ce qui est mauvais et ils interdisent qu'est-ce qui est bon. Donc quand tu vois par exemple dans certains endroits des gens par exemple, qu'est-ce qui est bon, ils veulent l'interdire. Et qu'est-ce qui est mauvais, ils veulent l'ordonner. Ça, c'est une caractéristique des munafiqin. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il mentionne aussi à propos des munafiqin que ils se dirigent vers les kuffars et ils veulent les prendre pour associer, pour allier dans leurs idées, dans leur religion. Ils se rapprochent d'eux. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Ils se dirigent vers eux avec empressement. Ils se dirigent vers eux avec empressement. Et ils disent, on craint d'être touché par un revers de fortune. Hein? Que s'il nous arrive quelque chose de comme si il nous arrive un malheur ou quelque chose, eh bien, au moins, on aura un support de la part de ces gens-là parmi les koufars. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'ils anticipent le mal pour les musulmans. Hein? Ils pensent toujours qu'il y a du mal qui va arriver aux musulmans et que c'est comme si ils sont toujours en train d'espérer ou de penser de façon négativement. C'est des gens toujours pessimistes. Et c'est des gens qui voient que le mal chez les musulmans. Ils ne voient pas le bien. Ça, c'est caractéristique des munafiqin. Quand ils parlent des musulmans, ils ne font que voir des défauts et des problèmes. Et ça, tu vois, par exemple, dans le discours de certains musulmans, quand ils parlent des pays musulmans. Hein? Et même parmi ceux, des gens qui se prétendent être des prêcheurs à l'islam. Ils parlent des pays musulmans et disent « Ah, c'est sale, c'est laid, il y a de l'injustice, il y a ci, il y a ça. » Et quand ils parlent des pays de kufr, ils disent « Ah, il y a la justice, il y a le bien, hein, il y a toutes sortes d'égalité. » Il y en a même parmi eux qui disent « Les pays de kufr, c'est eux qui sont plus musulmans même que les pays de l'islam. » Hein? Il y a un en particulier là qui dit des paroles comme ça, yani c'est incroyable. Tu te dis, mais est-ce qu'il est payé par les ennemis de l'islam pour dire ça? Hein? Parce que le pire, s'il est pas payé et qu'il le dit, c'est encore pire que s'il est payé. Déjà, s'il est payé, c'est mauvais. Et s'il est pas payé, c'est encore pire. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est la situation. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de certaines personnes? Des caractéristiques des munafiqin. Ils aiment les pays kuffars et les kuffars. Et ils détestent les pays musulmans et les musulmans. Et quand ils parlent quand ils voient les musulmans, ils voient que du mal. Et même l'histoire islamique. Ils regardent l'histoire des pays musulmans, l'histoire de l'islam, ils ne voient que du noir. Et quand ils parlent de l'histoire des koufars, ils ne voient que des belles choses. Hein? La lumière, pour eux, c'est devenu les ténèbres. Et les ténèbres, pour eux, c'est devenu la lumière. Le bien, c'est le mal. Le mal, c'est le bien. La sunna, c'est la bid'a. La bid'a, c'est la sunna. Le shirk, c'est le shirk, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est le shirk. Le kufr, c'est l'iman. L'iman, c'est le kufr. Ils ont tout inversé, la religion à l'envers. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les sahaba, ils avaient peur du nifaq. Pourquoi? Parce que le nifaq, c'est comme s'il te fait voir les choses à l'envers. Hein? Il te renverse la réalité des choses. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout le temps « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur la religion, sur la vérité. Et ça, tu vois par exemple plusieurs exemples de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait dans ce sens-là. Puis beaucoup de versets aussi qui parlent de ça. En tout cas, on a fini avec ça. Là, on rentre dans un autre chapitre maintenant. Et ce chapitre, c'est un chapitre vraiment important, surtout à notre époque, parce que ça touche une question ou un sujet qui est d'actualité, si on veut. Allah musta'an. Et c'est le dernier chapitre dans le livre. Le titre, c'est « Ma'na ta'rout wa ru'usu anwa'ihi ». Ma'na ta'rout wa ru'usu anwa'ihi. C'est-à-dire... Attends, il y a un stylo ici. La signification du ta'rout. Qu'est-ce que ça veut dire le ta'rout? Et quelles sont les têtes de ces différentes catégories? Donc, il y a différentes sortes de ta'rout. Et il y a des têtes parmi les tawarit. Qu'est-ce que ça veut dire les têtes? C'est-à-dire les tawarit qui sont les plus importants, les plus importantes formes de tawarit. D'accord? Donc on va commencer à expliquer ça, inshallah. Donc il y a le texte du livre, Al-Wajibat al-Mutahattimat, puis après il y a le sharh. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, de ces propos-là. Donc, à la base, même si le Cheikh qui a écrit le livre, c'est le Cheikh Abdullah Ibrahim al-Qara'awi, ok, mais lui, il a pris les paroles de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il les a réunies en différents chapitres comme ça. En réalité, c'est comme s'il a juste fait rassembler les différents livres ou différents épîtres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il les a mis ensemble, dans cet ordre-là. D'accord? Vous voyez en réalité comment parfois un livre peut être petit et contenir des leçons qui sont tellement importantes et que vous n'allez pas trouver dans des grands livres. C'est pour ça, des fois, il ne faut jamais juger un livre par sa grandeur, par sa grosseur. Tu vas chercher dans des gros livres, là, des volumes. Tu ne vas pas trouver les détails que tu vas trouver ou les explications rassemblées de ce sujet-là de façon aussi, de façon aussi claire. C'est pour ça qu'il faut commencer par les choses de base avant de rentrer dans des choses plus grandes. Et la personne qui n'a pas commencé par les bases, elle ne va pas comprendre le reste. Hein? Donc comprendre, par exemple, comprendre le tawhid, comprendre le shirk, comprendre le kufr, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comprendre le nifaq, qu'est-ce que ça veut dire. Toutes ces définitions-là, c'est très important, c'est fondamental. Vous imaginez la personne qui ne connaît pas la définition et les catégories de ces différentes choses et qui se dit musulmane, elle a un grand problème dans la compréhension de l'islam. Hein? Donc, si tu vois, par exemple, les gens, quand tu leur parles, qui te disent « Ah, mais vous êtes des wahhabis. » Tu lui demandes « Mais qu'est-ce que ça veut dire shirk ?» Elle ne sait pas. « Qu'est-ce que ça veut dire tawhid ?» Elle ne sait pas. « Qu'est-ce que ça veut dire kufr ?» Elle ne sait pas. « Qu'est-ce que ça veut dire nifaq ?» Elle ne sait pas. « Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. » Toutes ces définitions-là, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire sunnah? Qu'est-ce que ça veut dire bid'ah? Ils ne connaissent pas. Quelles sont les différentes catégories de ces choses-là? Ils ne savent pas. Donc, après, quand tu me parles, tu me dis wahhabi, pas wahhabi. Comment tu vas définir? C'est comme quand les koufars ils disent, mais ça c'est des musulmans islamistes et ça c'est pas des islamistes. Mais c'est quoi la différence? Et sur quoi tu te bases pour distinguer? Bon, si c'était pratiquant, non pratiquant, ça encore c'est vague, c'est pas spécifique. Hein? Donc quand tu dis islamiste, pas islamiste, ça implique quoi? Hein? Et c'est quoi la preuve de chaque catégorie? Hein? Sur quoi tu te bases? Wahhabi, pas wahhabi, c'est quoi la différence entre les deux? Et en quoi être wahhabi contredit le Coran et la Sunna? Et en quoi ne pas être wahhabi contredit le Coran et la Sunna? Ça, c'est la question. Et c'est quoi les preuves, les références? Naam. En fait, le terme wahhabi ne fait pas partie de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc, si quelqu'un te dit est-ce que tu es Razzaqi? Ou est-ce que tu es Rahmani? Allah, c'est Ar-Rahman. Allah, c'est Al-Wahhab. Allah, c'est Ar-Razzaq. Est-ce que nous, on est Razzaqi? Est-ce qu'on est des Rahmani? Est-ce qu'on est des Jabbari? Ça, c'est des noms d'Allah. Al-Wahhab. Pourquoi on appelle quelqu'un Wahhabi? Parce qu'il croit en Al-Wahhab? Si, c'est est-ce qu'il croit en Al-Wahhab? Al-Wahhab, c'est Allah. C'est un de ses noms. Hein? Mais si c'est par rapport à Abdul Wahhab, Abdul Wahhab, c'est qui Abdul Wahhab? C'est le père de Muhammad. Le cheikh Muhammad, il s'appelle Muhammad, le fils de Abdul Wahhab. Déjà, même l'appellation, elle ne fait pas de sens. Parce que Abdul Wahhab, c'est son père, ce n'est pas lui. Il devrait l'appeler, on devrait être, s'ils veulent faire référence au Cheikh Mohammed, ils devraient nous dire Mohammadi. On est des Mohammadi. Et encore là, est-ce qu'on a le droit de se référer ou de dire de se donner une appellation par rapport au nom d'un savant? Non. Même si, par exemple, par rapport au Madahib, certaines personnes, ils le font. Ils disent, quand ils suivent l'imam Malik, Ibn Anas, ils disent qu'ils sont Maliki. Ou quand ils suivent l'imam Shafi, ils disent, je suis Shafi. Mais ça, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est correct de le faire? Hein? Encore là, yani, c'est-à-dire, c'est discutable. Et il faut voir aussi qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie. Mais nous, on sait que ces ulama-là, Malik, Shafi, Ahmad, Abu Hanifa, c'est des ulama de Ahl al-Sunnah. Et donc, dans la mesure où toi, tu les suis dans la vérité qu'ils ont suivie, c'est correct. Mais s'ils se sont trompés dans quelque chose, puis que tu les suis même dans une erreur, là, ça devient du ta'assoub. Et ça, c'est blâmable. Et ça, c'est pas permis en islam. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la même chose. Hein? C'est un savant parmi les savants. Si on le suit dans la vérité qu'il a ramenée de qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, c'est permis. Mais si on le suit dans des choses, s'il a contredit le Coran et la Sunna ou il s'est trompé, alors là, dans ce cas-là, c'est blâmable. On n'a pas le droit de le suivre dans l'erreur. Naam. Et c'est la même chose pour tous les savants, en fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Ça, c'est la parole même de l'imam Malik. La parole de l'imam Malik, il a dit, on peut prendre de tout le monde et les laisser de tout le monde, excepté celui du prophète, excepté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a amené, tu dois l'accepter. Tu n'as pas le choix. Mais toute personne autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre ou laisser. D'accord? Parce que pourquoi? Parce qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas infaillible. C'est seulement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible. Parce que ce qu'il enseigne, ça vient d'Allah. Mais les savants de l'islam, ils peuvent dire des choses, hein, et la plupart des choses qu'ils mentionnent, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, mais dans certaines choses, ils peuvent faire des erreurs parfois, involontairement. Et donc, si tu les suis dans ces erreurs-là, alors que tu sais qu'ils sont dans l'erreur, eh bien là, tu es dans l'erreur toi aussi. Et même eux, ces savants-là, ils nous ont mis en garde de ne pas les suivre aveuglément. Ils nous ont dit, faites attention, ne nous suivez pas dans l'erreur. Hein? Donc, tout ça, c'est la même chose, que ce soit pour Mohammed ibn Abdul Wahhab ou les autres. Donc, maintenant, premièrement, Abdul Wahhab, ce n'est pas son nom à lui, c'est le nom de son père. Lui, il s'appelle Mohammed. Et son père s'appelle Abdul Wahhab. Et son grand-père s'appelle Sulayman. Donc, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman, At-Tamimi. Et lui, donc, il est. Si tu dis Wahhabi, Wahhab, ça réfère à un des noms d'Allah qui est Al-Wahhab. D'accord? Donc, on ne devrait pas dire Wahhabi dans ce cas-là. On devrait dire Abdul Wahhabi. Ou bien Abdul Wahhab. On est Abdul Wahhabi. Je ne sais pas si ça se dit. En arabe, bon, ça ne se dit pas comme ça. Mais c'est juste pour dire. Ceux qui ont inventé cette appellation-là, c'est soit les Anglais ou les Français, des non-musulmans, qui ont voulu donner une appellation à un groupe de personnes qu'ils ont remarqué qui avaient certaines caractéristiques, hein, et qui étaient opposées à leurs intérêts. Alors, pour les stigmatiser, et pour faire en sorte que les gens se distinguent, les autres musulmans se distinguent d'eux, ils les ont appelés par ce nom-là pour faire croire aux autres que ce sont des gens qui sont dans une autre voie que celle du reste des musulmans. Comme si pour dire, ça c'est une voie qui est différente et qui est extrême. Et qu'il ne faut pas que les autres musulmans suivent cette voie-là parce que c'est contraire aux intérêts des occidentaux, par exemple, hein, ou des chrétiens, ou des juifs, ou des non-musulmans, en général. Donc, ou ce sont des gens de bid'ah, des soufis, des shi'a, des asha'ira, et d'autres sectes, quand ils ont vu des musulmans qui ordonnent le tawhid, qui interdisent le shirk, qui interdisent l'adoration des tombes, l'adoration des saints, salam alaykoum, hein, qui interdisent par exemple les innovations, les bid'ah, ils ont dit, ah, ça c'est les wahhabis. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Mais maintenant, tu vas voir, par exemple, en Iran ou en Irak, dans certains endroits où il y a les Shia, subhanallah, leur religion, c'est basé sur le shirk. Et comme je disais l'autre jour, quand je faisais le cours sur Kitab al-Tawhid, Qurrat Ayun al-Muwahidin, dernièrement, j'ai trouvé sur YouTube beaucoup de YouTubers qui font des voyages dans différents pays. Ils vont d'un pays à l'autre, puis ils se filment et ils filment les différentes places où ils vont. Et là, dernièrement, là, je trouve ça même, je pense que ce n'est pas une coïncidence, mais ils sont tous en Irak en ce moment. Et il y en a, c'est des hommes, il y en a, c'est des femmes. Et ils vont dans les tombes ou les endroits où les mosquées sur lesquelles ils ont construit, les mosquées qui ont été construites sur les tombes de certains parmi les imams des Shia. Et ils se filment à l'intérieur. Et tu vois les Shia qui vont autour du tombeau. Ils ont construit une sorte de clôture autour. Et là, tu les vois, les gens, ils s'en vont vers la clôture. Et ils touchent la clôture. Et ils caressent la clôture. Ils embrassent la clôture. Ils font des doigts, et puis ils font des adorations, puis ils tournent autour. Et ils font des dons pour ça, puis toutes sortes de bid'ah. Ils mettent des éclairages, des décorations, des lumières de toutes les couleurs, comme les chrétiens qui mettent des décorations de Noël. Ben, eux, ils font des décorations de lumière comme ça, hein, autour des tombes, puis partout dans le quartier, dans les rues, ils décorent. Et je suis certain qu'à l'époque, de Saddam Hussein, hein, il n'y avait pas tout. Je ne pense pas qu'ils pouvaient faire tout ça. Mais maintenant, les Américains sont venus, ils ont enlevé Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était un chiite communiste. Pardon, c'était un communiste, chiouï, hein, un ba'athi. Il n'était pas, c'était pas quelqu'un qui était sur l'islam ou qui était sur la religion de l'islam. Quelqu'un qui était sur la laïcité, le communisme. Hein, c'était ça, c'était son parti. Il était chef de ce parti-là. Mais n'empêche que il était dur envers hein, certaines de ces bid'a-là. Il ne les laissait pas la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient, quand même. Là, ça y est. Maintenant, ils ont les Shia en Irak, là, ils ont le vent dans les voiles. Et là, tu les vois comment ils en tout cas, nasallallahu al-afiyah. Et c'est eux, les Shia en particulier, ils sont les premiers à attaquer les musulmans d'Ahl-Sunnah puis dire ça, c'est des Wahhabis. Et vous, vous êtes des Wahhabis. Pourquoi ? Vous êtes contre l'adoration des tombes, le fait de vénérer les morts et de célébrer les mawalid. Leur religion, c'est visiter les tombes et prier les saints, soi-disant, et les imams. Les soufis, c'est la même chose. Beaucoup de soufis, c'est la même chose. Hein? Tu vas aller, par exemple, dans différents pays où il y a les soufis, c'est comme ça qu'ils font. Ils s'en vont prier les tombes. Puis, si tu leur interdis ça, ils disent ah, Wahhabi, Wahhabi. Hein? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ok. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pensais qu'on allait commencer le Tahout, mais la définition du Tahout. Mais si on commence ça maintenant, on n'aura pas le temps. Et surtout qu'il y a beaucoup de détails à expliquer et des choses très, très importantes à clarifier sur ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup de choubouhat, surtout de la part des Khawarij, des Takfiriyin. Donc, ce sujet-là, on veut donner à ce sujet-là son temps. Hein? On ne veut pas en parler à moitié ou traiter du sujet comme si on commence aujourd'hui puis on arrête en plein milieu, comme si sans avoir complété tout. Et puis après, il y a des questionnements qui restent. On veut, quand on commence puis on conclut jusqu'à la fin. Donc, c'est ça ce qu'on va faire, Inch'Allah. On va laisser ça pour le prochain cours, Inch'Allah. D'accord, je préfère ça. Parce que j'ai entendu des commentaires de la part de certaines personnes là, même ici à Montréal, des takfiriens de Montréal, qui utilisent le terme tarot à tort et à travers. Et qui savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va réfuter ces gens-là facilement, clairement, Inch'Allah, avec les clarifications et les preuves. Mais on va faire ça au prochain cours, samedi prochain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.